Traduction rapprochée des fatawas sur la aqida. Cheikh Abdelrahman ibn Hassan rahimahullah a dit: il existe un consensus parmi la umma des anciennes générations, commençant par les compagnons, les tabi'in, les imams et tous les savants des Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'un homme n'est pas musulman s'il ne délaisse pas le grand shirk, ne se désavoue pas de lui, le shirk, et de celui qui le commet, en le détestant, le shirk et celui qui le commet, en leur montrant l'inimitié selon les moyens ou la force, et al-ikhlas dans les actes uniquement pour Allah. Source, Ad-Dur al-Saniya, volume 8, page 338. Cheikh Ishaq ibn Abdelrahman, rahmahullah, a dit dans sa risale Takfir al-Mu'ayyin: au contraire, les Ahl al-Fatra, ceux qui n'ont pas été atteints par la prophétie et le Coran, et ceux qui sont morts dans le jahiliya, l'ignorance, ne sont pas considérés comme étant des musulmans, s'ils ne se sont pas désavoués du shirk et de ceux qui le commettent, à l'unanimité. On ne demande pas non plus le pardon pour eux. Les savants ont seulement divergé quant à la question de leur punition dans l'au-delà. Certains disent qu'ils seront testés par Allah, et s'ils réussissent le test, ils n'iront pas en enfer, car Allah ne punit pas un peuple sans leur envoyer de messagers. D'autres disent qu'ils iront éternellement en enfer, et ceci sans passer de test au préalable. Cheikh Abu Batin rahmahullah a dit: si celui qui commet le grand shirk est excusé par l'ignorance, alors qui est celui qui n'a pas d'excuse? De cette affirmation ressort qu'Allah n'a d'argument que contre l'orgueilleux. Celui qui affirme cette théorie sera incapable de s'y tenir. Au contraire, il doit tomber dans la contradiction, car il ne peut pas ne pas appliquer le takfir sur celui qui doute de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou doute de la résurrection, ou d'autres sujets qui font partie des fondements de l'islam. Celui qui doute est un ignorant. Les savants de toutes les écoles ont cité beaucoup de choses que l'on ne peut pas compter, parmi des paroles ou des convictions qui font sortir son auteur de l'islam, et ils n'ont pas limité cela à l'orgueilleux. C'est pour cela que celui qui affirme qu'une personne qui commet la mécréance, expulsant son auteur de l'islam, est excusé dans la mauvaise interprétation des textes, l'ijtihad, le suivi aveugle ou l'ignorance, s'oppose au livre, Coran, à la sunna et au consensus sans aucun doute. De cette théorie ressort qu'on ne peut pas appliquer le takfir sur les juifs et les chrétiens, ignorants, et ceux qui se prosternent devant le soleil et la lune, ou les statues, à cause de leur ignorance. De même, ceux que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, brûlait vivant, car nous sommes convaincus qu'ils sont ignorants. Et tous les musulmans sont unanimes que celui qui n'applique pas le takfir sur les juifs et les chrétiens ou doute de leur mécréance est lui-même un mécréant. Et nous sommes convaincus que la majorité d'entre eux sont ignorants. Source, Ad-Dur al-Saniya, volume 12, page 69-74. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmahullah, a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah a ordonnée au fils d'Adam est de mécroire au Tarout et d'avoir foi en Allah. Ceci nous est indiqué par la parole d'Allah. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Sourate 16, verset 36. Quant à la façon de mécroire au Tarout, c'est 1. De croire en la nullité de l'adoration d'un autre qu'Allah. 2. De la délaisser. 3. De la détester. 4. De déclarer mécréant celui qui la pratique. 5. De prendre pour ennemi ses adeptes. Quant à la façon d'avoir foi en Allah, que tu crois qu'Allah est la seule et unique divinité qu'il faut adorer, en excluant toute autre chose, en ne vouant toutes sortes d'adorations qu'à Allah et en rejetant toute adoration vouée à un autre qu'Allah. C'est aussi le fait d'aimer ceux qui ne vouent leur adoration qu'à Allah et de les prendre pour alliés et de détester les gens du polythéisme et de les considérer comme ennemis. Et c'est cela la religion d'Ibrahim. Toute personne qui s'en éloigne a rabaissé son âme. Et c'est cela l'exemple qu'Allah nous a demandé de suivre quand il a dit: certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en vous. Désormais, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Et le tarout est un mot qui englobe tout ce qui accepte de se faire adorer en dehors d'Allah, que ce soit un objet d'adoration, un être que l'on suit, ou à qui on obéit dans la mécréance, dans la désobéissance d'Allah et de son messager, est un tarout. Et les tawarites, pluriel de tarout, sont nombreux. Mais il y en a cinq principaux. 1. Satan, qui appelle les gens à adorer un autre qu'Allah. La preuve de cela est dans le verset: ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate 36, verset 60. 2. Le gouverneur transgresseur qui change les lois d'Allah. La preuve de cela est le verset: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. 3. Celui qui gouverne par une autre loi que celle qu'Allah a révélée. La preuve de cela est le verset. Et ceux qui ne gouvernent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont les mécréants. Sourate 5, verset 44. 4. Celui qui prétend connaître l'invisible. Et la preuve de cela est le verset. C'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Sourate 72, verset 26-27. Et Allah dit aussi, c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite. Sourate 6, verset 59. 5. Celui qui est adoré en dehors d'Allah tout en étant satisfait de cette adoration. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité en dehors de lui. Nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Sourate 21, verset 29. Et sache que l'homme ne sera pas croyant en Allah tant qu'il n'aura pas cru au Tarout. La preuve de cela est la parole d'Allah. La guidée et la déviation se sont clairement dissociées. Dès lors, quiconque met croit au Tarout et croit en Allah, il s'est certes accroché à l'anse ferme et inébranlable. Et Allah entend tout et sait parfaitement toutes choses. Sourate 2, verset 256. La guidée, c'est la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La déviation, c'est la religion d'Abu Jahl, maudit soit-il. L'anse ferme et inébranlable, c'est le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qui comporte une négation, aucune divinité, et une affirmation, à part Allah. La négation, le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation de toute forme d'adoration pour Allah, uniquement, sans associer. Et la louange est à Allah, par le bienfait duquel les bonnes choses prennent fin. Source, Majmou' al-Tawahid al-Najdiya, volume 1, page 14. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit « Ces tawarites-là envers lesquels les gens considèrent qu'il est obligatoire de leur obéir en dehors d'Allah sont tous des mécréants apostats. Et comment en serait-il autrement alors qu'ils rendent licite ce qu'Allah a interdit et interdit ce qu'il a permis et sèment le désordre sur terre avec leurs paroles et actes? Quiconque polémique en leur faveur ou désapprouve celui qui les taxe de mécréants ou prétend que de tels actes ne font pas sortir son auteur de l'islam ?» Le minimum que l'on puisse dire d'une telle personne, c'est qu'il est un pervers. Je dirais même, l'islam ne peut être valable sans le désaveu et le tekfir de ces gens-là. Source, Rasa'il al-Sharsiya, page 188. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit « Allah, Allah, mes frères, accrochez-vous à la base de votre religion. Son commencement et sa fin, ses pieds et sa tête, qui est la shahada, la ilaha illallah. Et apprenez sa signification, et aimez-la, aimez ses adeptes, et soyez frères avec eux, même s'ils vous sont lointains. Et mécroyez aux tawarites, et prenez-les pour ennemis, et détestez-les. Et détestez ceux qui les aiment, ou discutent à leur sujet, ou ne les excommunient pas, ou disent « Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas chargé d'eux, car en disant cela, ils mentent sur Allah subhanahu wa ta'ala. » Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés d'eux en leur ordonnant de les renier, de les désavouer même s'il s'agissait de leurs proches comme frères ou enfants. Allah, Allah, approchez-vous à ça, peut-être rencontrerez-vous votre Seigneur sans rien lui associer. Oh Allah, nous te demandons de nous faire mourir musulmans et de nous faire rejoindre les gens pieux. Source, Majmou' al-Tawahid. Cheikh Ibn Hazm al-Andalusi, rahmahullah, dit « L'invention de loi ne peut prendre que quatre formes. En annulant certaines prières, une partie du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, ou de la peine du fornicateur, ou du calomniateur, ou l'annulation de tout ceci. Ou alors c'est l'ajout de quelque chose, l'invention d'une nouvelle obligation. Ou alors c'est rendre licite une chose interdite, comme rendre licite la viande de porc, les substances enivrantes, ou les cadavres d'animaux. Ou alors interdire ce qui est permis, comme la viande de mouton ou autre. Et quelle que soit la forme que nous venons de citer, celui qui le dit est mécréant, idolâtre, rejoignant les juifs et les chrétiens. Et le devoir de tout musulman est de tuer celui qui autorise quoi que ce soit de ces choses sans l'appeler au repentir, ni sans accepter son repentir s'il se repent. Ces biens doivent être versés dans la trésorerie publique islamique, car il a changé sa religion. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui change de religion, tuez-le », rapporté par Al-Bukhari. Qu'Allah nous préserve de nous mettre en colère pour le faux qui mène à une telle perdition. Source, Al-Ihkam fi Usul Al-Ihkam, 6, numéro 110. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, a dit, lorsqu'un homme légalise ce qu'Allah a interdit et qui ne fait pas d'objet de divergence, ou interdit ce qu'Allah a permis qui ne fait pas d'objet de divergence, ou remplace la loi qui ne fait pas d'objet de divergence, c'est un mécréant apostat à l'unanimité des juristes. C'est dans ce genre de choses que fut révélée la parole d'Allah. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Voir source Majmoua al-Fatawa 3, numéro 268. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Celui qui gouverne sans se référer au livre saint, le Coran, est un tarout. » Source Majmoua al-Fatawa 28, numéro 201. Cheikh Abu Batin, rahimahullah, a dit « Nos amis ont dit qu'il existe deux communautés, états, l'islamique et la mécréante. » L'islamique est celle dans laquelle les lois islamiques sont appliquées, même si ses habitants ne sont pas des musulmans. Et en dehors de celle-ci, communauté, c'est une communauté mécréante, c'est-à-dire si les lois autres que celles d'Allah sont appliquées. Source Majmu'at wa Rasa'il wa al-Masa'il Najdiya, page 655. Le grand savant et chir de la religion de Najd, Hamad ibn Atiq, rahmahullah, répondant à ceux qui affirment que lorsqu'un homme commet une mécréance extérieure, par la parole ou l'acte, ne devient pas mécréant tant qu'il n'en est pas satisfait avec son cœur. Dit, le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la Ummah se sont mis d'accord dans le fait que quiconque dit de la mécréance ou la fait, commet avec l'acte, devient mécréant et que pour cela n'est pas conditionné l'ouverture de la poitrine, âme, le cœur, à la mécréance. De cela, cette règle est exceptée seulement celui qui a été contraint. Et en ce qui concerne celui qui a ouvert sa poitrine, âme, cœur, à la mécréance, c'est-à-dire les a ouverts et élargis, et était satisfait avec elle, la mécréance, celui-là est un mécréant ennemi d'Allah et ennemi de son prophète, même s'il ne l'a pas prononcé avec la langue, la mécréance, ou commis avec les membres de son corps, la mécréance. Ceci est ce qui est connu avec les preuves du livre de la Sunna et du consensus de la Ummah. Source, Ad-Difa' Ahl-Sunnah wal-Ittiba', à la page 22-23, édition Dar al-Qur'an al-Karim. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, a dit « Généralement, quiconque prononce ou commet ce qui est de la mécréance devient mécréant, même s'il n'avait pas l'intention d'être mécréant, car personne n'a l'intention d'être mécréant, sauf celui à qui Allah le veut. » Source, Sarim al-Maslul, à la page 177-178. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, rapporte dans son ouvrage Sarim al-Maslul, à la page 513. Mohamed ibn Sahnoun, l'un des imams de la doctrine de Malik, rahimahullah, à une époque proche de ce groupe, a dit « Les savants sont unanimes, que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le rabaisse, c'est un mécréant, et la menace d'Allah se réalisera sur lui ainsi que le supplice. Quant à son verdict, d'après la communauté, c'est la mort, et quiconque doute de sa mécréance ou de son châtiment est un mécréant. » Cheikh ibn Hazm, rahimahullah, a dit « En ce qui concerne l'insulte du Très-Haut, Allah, il n'existe aucun musulman sur terre qui s'opposerait au fait que l'insulte est de la mécréance. Sauf que les Jahmiya et les Ash'ariya, deux groupes qui ne sont pas pris en compte, disent ouvertement que l'insulte d'Allah et la manifestation de la mécréance par les actes n'est pas de la mécréance. Certains parmi eux disent, mais c'est un signe qu'il a la conviction de la mécréance et non pas qu'il est catégoriquement mécréant en insultant Allah. Leur fondement est un mauvais fondement et il est en dehors du consensus des musulmans. Ils disent qu'elle y mène, la foi est seulement l'affirmation du cœur, même s'ils manifestent la mécréance. L'adoration des idoles sans contrainte. Et ce fondement est de la mécréance car il s'oppose au consensus de la Ummah, au jugement d'Allah, au jugement de son messager et tous les compagnons et ceux qui les ont suivis. Source Al-Muhalla 13, 498. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, rapporte dans Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 209. Hanbal a dit, Al-Humaydi, nous a raconté, j'ai appris qu'il y a des gens qui disent, celui qui reconnaît la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, puis ne pratique rien de cela jusqu'à sa mort, ou bien prie d'eau à la Qibla toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est un croyant qui a une faible foi, tant qu'il ne renie pas et qu'il sait que sa foi réside dans l'abandon de cela, et qu'il reconnaît les obligations de la prière vers la Qibla. Je dis, ceci est la mécréance évidente, et cela contredit le livre d'Allah, la sunna de son messager et les savants musulmans. Allah a dit, et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah en lui vouant la religion pure. Et Hanbal dit, j'ai entendu Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal dire, celui qui a dit cela a mécru en Allah, a réfuté son commandement et l'enseignement du messager. Ce récit est également rapporté dans As-Sunnah d'Al-Khalal numéro 1027.